2 heures. Sur l'autoroute sous la lune, les vibrations de la voiture détendent mes sphincters. Tout autour de moi, la campagne triste et boueuse s'illumine de dizaines de rayons lumineux qui convergent en direction de l'astre lunaire. Tout autour de moi, une marée de boue qui menace de m'enterrer vivant, qui me retient prisonnier comme un sable mouvant, terrassé et léthargique, aphasique et apathique. La proie est et sera digérée vivante. Autour de moi, les lumières semblent danser dans le ciel. On est samedi, un peu partout, c'est la grande parade. Celle que les plus de 25 ans ne peuvent pas comprendre. 2h03, 145 km/h. L'asphalte me susurre des avances et mon esprit inquiet y décèle une pointe de moquerie. Autour de moi, un simulacre de vie, et avec ça, ce sera tout. Autour de moi, la boue danse en se glissant tout sur son passage, même si de ci, de là se dresse encore à l'horizon. Vestige de la fin du règne des Valois d'Angoulême, quelques phallus en ruine. Autour de moi, assis, le monde en branle, travail, famille, patrie, impéritie du peuple et ignorance des puissances. Morcellement du moins. Trouble plutôt qu'affrontement, angoisse plutôt que colère. Les réalités se divisent encore, plus nettement cette fois. 2h09. Choisis ton camp, camarade. Les lois de financement et les cadres techniques, les plans de redressement, les commerciaux, les appels d'offres, les marges, les déclarations de principe, les commissions chargées d'eux, et les bouffons et leurs tricks, grammaire impotente qui ne fait que masquer, travestir, éviter le sujet. Tout autour de moi, les garennes sans vergogne tendent bien haut leurs petits cubes blancs, panachés et frétillants.